Maintenant qu'on s'est rafraîchi, on va passer à la période de questions. Le cœur me pompe, je perds du poids, je perds le sommeil, je pense très souvent à lui. Ceci au début d'une relation. Comment ne pas perdre d'énergie face à tous ces symptômes? Bon, bien évidemment, ici, on a un exemple assez clair de perte d'énergie. Il y a une chose importante qui doit toujours être comprise si l'on veut parvenir à un moment donné à avoir une qualité de vie qui ne fait pas uniquement partie d'une philosophie, mais qui, de la théorie, devient de la pratique. On ne peut pas améliorer sa vie en 2-3 jours. On peut l'améliorer ça un petit peu, puis à un moment donné, ça s'en va, puis ça revient. Je ne parle pas de s'acheter un lave-vaisselle. Je parle soi-même. On doit travailler sur quelque chose qui est à long terme, c'est-à-dire qu'on doit toujours travailler sur une globalité. L'être humain est une mécanique extraordinairement complexe. Je ne parle pas du corps physique uniquement, je parle de toute la mécanique qui constitue l'humain. Pour parvenir à régler certains problèmes, on doit premièrement en comprendre la mécanique. Mais pour être capable d'appliquer certaines solutions, on doit aussi être capable d'exprimer, de vivre, de supporter, d'endurer et de travailler avec des mécaniques de base. Les mécaniques de base sont des mécaniques qui ont, à un moment donné, été effleurées par la philosophie, par la médecine souvent, par la science. Ce sont des mécaniques qui sont simples et qui, par leur simplicité, font souvent en sorte qu'on ne les voit pas ou qu'on les oublie ou qu'on les rejette parce que trop simples, trop quétaines. Première chose, pour pouvoir améliorer sa condition de vie, quelle que soit la mécanique que l'on voudra régler, c'est de parvenir à un discernement entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et ce n'est pas de développer chez soi une latitude de personne soumise. L'être humain doit devenir son seul maître. Son seul maître, ça veut dire qu'il doit parvenir à être capable de supporter sa pensée, de contrôler sa pensée, de supporter ce qu'il dit dans sa tête, de supporter sa conscience, d'exprimer sa conscience, donc de s'exprimer lui-même, et d'être capable de supporter son ignorance, et surtout d'être capable de supporter le poids de son savoir. De ne pas toujours chercher une espèce d'approbation de l'extérieur, d'autrui, de quelque autorité que ce soit. Alors la personne ici, le cœur me pompe, je perds du poids, je perds le sommeil, je pense très souvent à lui. Ceci au début d'une relation. Comment ne pas perdre d'énergie face à tous ces symptômes? La base même de l'évolution vers une qualité de vie, c'est le discernement entre ce que nous sommes et en face de ce que nous ne sommes pas. La base fondamentale, c'est de constater que l'être humain est totalement manipulé, qu'il n'a aucun libre-arbitre, qu'il n'a pas le choix, qu'il ne fait jamais de choix, qu'il ne décide jamais rien et qu'il n'est qu'un jouet à travers la vie. C'est la première chose. Certains disent, c'est la dernière. Bon. Il y a dans la conscience de l'être humain une liberté. Ce n'est pas du libre-arbitre, c'est une liberté. Cette liberté, elle est suffisamment exprimée chez certains et chez certaines pour que ces personnes puissent voir certaines absurdités dans la vie. Et c'est souvent ce qui va nous faire poser la question, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ça se passe? Ça, c'est votre intelligence qui voit des choses. Mais votre intelligence s'exprime à l'intérieur d'un corps physique qui habite un monde où l'intelligence a été bannie. Et nécessairement, ça crée certains problèmes. Qu'est-ce qui permet la vie du corps physique pendant que l'intelligence n'est pas là? Avant que vous puissiez être dedans. C'est de la mémoire d'intelligence, qu'on appelle l'âme. C'est de la mémoire de savoir, qu'on appelle l'expérience. Et cette mémoire, elle se cumule avec le temps, et elle se cumule par essai et erreur. Donc, elle se cumule en face d'échecs. Elle se cumule par l'expérience, par l'apprentissage par la suite, où on devra aller à l'école pour apprendre l'expérience d'autrui. Et de cette façon, on pourra bâtir la base de notre vie sur le sommet de celle de nos ancêtres. Mais ça laisse plusieurs lacunes. Tout ce que ceux-ci n'ont pas réussi à régler, nous sommes toujours confrontés à devoir les régler. On n'a jamais réussi à régler la guerre, on a encore des guerres. On n'a jamais réussi à régler la peur, on a encore des peurs, etc. L'être humain peut avoir accès, à un moment donné, à une information supramentale, à un savoir instantané, à un savoir spontané. À un savoir qui, dans le passé, instruisait nos ancêtres. À un savoir qui a dit aux Indiens d'Amérique, aux Autochtones de n'importe quel continent, quelles sont les plantes comestibles, quelles sont celles qui sont toxiques, quelles sont celles qui guérissent. Et comment les apprêter, comment les travailler pour qu'elles guérissent. Ce sont cette même énergie qui a permis à différents savants d'avoir de l'intuition juste. Une intuition qui a fait dire à certains que la Terre ne pouvait être le centre de l'univers, qu'elle devait nécessairement être en orbite autour du Soleil, et même que les orbites devraient être des ellipses et non pas des cercles parfaits. Certains ont payé de leur vie, certains ont payé de leur plaisir de vivre, mais la majorité des individus qui n'ont pas la qualité, la capacité d'exprimer cette intuition juste, ce savoir instantané, cet esprit saint, comme on l'appelait dans les antiques religions, ceux-là perdent de toute façon aussi leur vie, à plus long terme. Quand on souffre d'aimer, on perd de l'énergie, comme on l'a vu lors de la conférence de ce soir. Et l'exemple qui est ici est un exemple qui est évident avec ça. Il y a tellement de façons de perdre de l'énergie. Et quelques-unes de ramasser de l'énergie. Mais avant, il faut nécessairement savoir une chose. Pourquoi le cœur me pompe-t-il? Voulez-vous que votre cœur accélère? Non. Voilà. Vous êtes deux dans le corps physique. Je perds du poids. Donnez votre recette à bien du monde, elle fait de l'argent. Mais voulez-vous perdre du poids comme ça? Non. Pourquoi vous en perdez? Ça ne se répond pas, sauf si c'est pas moi qui en perd, qui bouge le corps pour que le corps en perde. Je perds le sommeil. C'est vous qui voulez, essayer de dormir? Non. On est deux, un virus et nous. Je ne pense qu'à lui. Ce que la personne pourrait dire, c'est que l'image, les pensées de lui sont vomies sans arrêt dans ma conscience. C'est parce déjà moins romantique dit comme ça. Hey. Drôlement plus juste. Alors on peut dire, ben cesse de penser à lui, puis dors. Si, ce serait si facile, hein? Nous sommes tributaires d'une race particulière, la cinquième race mère, d'un cycle d'évolution de plusieurs humanités. Et notre race évolue en fonction des sacrifices. Elle évolue à partir de sacrifices. C'est la fin de la cinquième race mère. C'est pourquoi il y a tant de conflits présentement. Tout le passé est en tente de s'exprimer immédiatement dans l'actuel présent. Et le passé, c'est un passé de guerre, un passé de haine, un passé de racisme, un passé de conflit. Et quand on aura digéré l'expérience du passé, avec l'intelligence qui maintenant nous habite, on pourra probablement être prêt pour une forme de millénium, question de 13 800 quelques années d'ère de construction et d'un peu plus d'harmonie, de paix. Ce ne sera pas un paradis. Ce ne sera plus l'enfer. Et pour cela, il faut que l'humain comprenne certaines petites choses. Quand je dis que l'humain n'a absolument pas de libre-arbitre, bon, c'est un phénomène qu'on exploite surtout au niveau du séminaire, parce qu'on a plus de temps. Les personnes sont enfermées, ils peuvent pas s'en aller. Puis on a plusieurs heures passer avec elles. De toute façon, ils n'ont pas de libre-arbitre, ils peuvent pas s'en aller non plus. Ben, c'est ce que je leur dis aussi. Ah ouais, j'ai beau leur dire. Ouais, mais c'est quand même moi qui ai décidé de m'inscrire au séminaire. Voyons donc, t'as pas décidé de t'inscrire au séminaire. À ce prix-là, voyons. T'aurais fait d'autres choses. C'est moi qui ai décidé que je venais ici un matin. Absolument pas. Parce que je m'en allais, j'ai rien qu'à m'en aller. Même pas! Va-t'en! Seigneur, là, puis il reste là. Puis quelqu'un me dirait, ouais, mais s'il s'en irait, ben, il serait manipulé à s'en aller par tout ce que nous avons dit ensemble. Ce ne serait pas une décision de sa part. L'être humain est manipulé, mais l'être humain a accès à de la liberté dans sa conscience. Et quand je dis que l'humain est manipulé, ben, on a la preuve ici. Perds plus de poids, le ralentis ton cœur, dors, puis ça a été passé à lui. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une mécanique, il y a quelque chose qui fait que ce ne sera pas comme ça que la personne va vivre. On le reprend souvent au niveau du sommeil. Quand on va vous coucher, c'est pour dormir. Alors pourquoi ça prend tant de temps? Je le dis souvent, ou bien non, on est vraiment épais, ou on est manipulé. On peut voter. Si on est épais, on est nécessairement manipulé. Et puis si on n'est pas épais, on est nécessairement manipulé. Combien de personnes achètent des billets de loterie pour gagner? Elles perdent. Si elles ont les barbites, elles gagnent. Hein? Voulez-vous que votre automobile rouille? Non. Si vous avez les barbites, elle ne rouillera pas. On n'est même pas capable de discerner le bien du mal avant. On est capable de temps en temps après. Et on se dit, j'aurais pas dû. Si j'aurais su, ben c'est ça. Si t'avais su, ben si t'avais su, tu l'aurais pas fait. Mais justement, tu ne savais pas. L'humain est dans un monde qui fonctionne comme cela. Certains disent, c'est quand même moi qui ai décidé d'arrêter de fumer. T'as décidé d'arrêter de fumer quand tu as pu décider d'arrêter de fumer. Les années d'avant, tu n'aurais pas décidé d'arrêter de fumer parce que de toute façon, tu n'aurais pas pu arrêter de fumer. D'autres, manipulés par l'extérieur, décident qu'ils arrêtent de fumer. Puis là, ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils travaillent. Ils ne cesseront pas de fumer tout de suite. Puis un jour, après 2-3 ans de travail sans arrêt, ils ont réussi. S'ils n'auraient rien fait, ils auraient arrêté à la même date quand même. L'être humain fonctionne à partir du mérite souvent. C'est méritoire. Oui, mais pour toi, ça a été facile, t'as pas de mérite. Non, j'ai pas de mérite. Mais j'ai arrêté. Mais en réalité, c'est que ça l'a arrêté tout seul. L'être humain qui ne comprend pas quelque chose, certains vont lui dire, « Ben oui, alors, fais un effort pour comprendre! » Comment on peut faire un effort pour comprendre? Je comprends que c'est bleu, tu veux que je fasse un effort pour comprendre que c'est noir. Mais à un moment donné, effectivement, je comprendrai peut-être. Mais j'ai pas fait d'effort, subitement, si je comprends, là, c'est clair. Et là, on va dire, « T'aurais dû le dire de même, j'aurais compris! » Non, non, non, non. On l'aurait dit de n'importe quelle façon, quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. La personne ici pour s'en sortir. Et quand on dit oui, mais si on est manipulé de bord, on peut même pas décider qu'on s'en sort. L'humain a une conscience et cette conscience, elle est libre. Cette conscience, elle peut pilonner énormément, ce qui chez vous sert de voie à la manipulation. Une loi fondamentale de la manipulation, c'est qu'on ne peut manipuler un individu au-delà de ses capacités à être manipulé. Vous n'êtes pas structuré pour aller tuer quelqu'un, on ne vous manipulera pas à tuer quelqu'un. Par contre, vous pouvez, l'extérieur peut, vous reprogrammer. On appelle ça un lavage de cerveau, on appelle ça de la discipline, on appelle ça de l'autosuggestion, on appelle ça de l'hétérosuggestion. On peut changer des choses dans notre ego qui, elles, sont facilement manipulables. Alors la personne, elle pourrait à un moment donné changer des choses chez elle qui vont faire en sorte que progressivement, ce qui s'exprime dans le cœur, ce qui s'exprime dans la pensée, dans le poids, va commencer à ne plus s'exprimer là-dedans. Ça, c'est de manipuler le manipulateur? Exact. La science, la médecine le sait depuis longtemps. Quelqu'un qui souffre de problèmes psychiatriques, on l'enferme. On le met en prison ou on le met dans une asile. Dans un hôpital, maintenant, on dit. Bon, maintenant, ben, on les retourne chez eux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on se dit? Bien, on se dit simplement qu'on donne des médicaments, des antipsychotiques puissants, par exemple, qui vont faire en sorte que l'individu, que l'ego ne pouvant s'exprimer dans le corps physique à cause d'un inhibiteur, soit un antipsychotique léger, soit un puissant. Et parce que l'ego s'exprime moins, il se lit moins, selon une mécanique que la psychiatrie ne connaît pas encore aujourd'hui, mais ils ont une idée d'eux. Et à un moment donné, ben, après 2, 3, 4, 5 années, si le malade n'a pas pu s'exprimer en tant que malade, il y a une partie, le malade est comme guéri, il s'améliore. On reprogramme. Ça prend du temps qu'on dit. Oui, ça prend du temps, ça prend de la patience. C'est évident, c'est des égos qui travaillent, ça prend de la patience, c'est bien évident. Et progressivement, on arrive à changer les choses. Il y a des mécaniques comme l'auto-hypnose. Non, ça peut changer tout ce qu'il y a dedans ici au complet. L'hypnose, ça peut tout changer ça ici au complet, très facilement. Pourquoi? Parce qu'on va simplement aller dire à votre ego, écoute, quand tu es en amour, là, ben, tu vas lâcher le cœur, tu l'accéléreras plus. Et après 2-3 suggestions comme ça, ben, vient un moment donné où est-ce que ça ralentit. On peut cesser de fumer, on peut perdre du poids, on peut faire plein de choses. Sauf que, il y a des façons d'évoluer. La personne qui a un seul but dans l'évolution, c'est de cesser de perdre du poids, cesser d'avoir un cœur qui accélère, cesser de penser à l'autre, puis dormir. Elle peut y parvenir très facilement avec une séance, quelques séances d'hypnose. Ou d'auto-hypnose. Elle peut elle-même se suggérer des choses. Sauf que vous devez toujours vous servir. C'est la meilleure façon d'avancer. Pour ne pas régler trois problèmes, mais régler le problème. on doit toujours se servir de tous ces petits symptômes-là comme baromètre d'évolution. Et quand je parle d'évolution, je ne parle pas d'évolution uniquement limitée dans la théologie ou dans la théosophie. Je parle d'évolution globale. Une religion ne sert à rien si lorsque vous êtes mal pris, elle ne vient pas vous aider. Bon, une philosophie non plus. Je parle d'évolution globale. C'est-à-dire que qu'il arrive quoi que ce soit à l'échelle planétaire, qu'on reste comme c'est là, que ça aille mieux, que ça aille pire, vous allez être bien. Ah, c'est de l'évolution. Et ces quatre petits mécaniques qui sont décrits sur le papier ici, qui sont effectivement problématiques, sont des baromètres. En fonction de la qualité qu'on est capable d'engendrer dans notre lucidité, dans notre conscience, en fonction de la capacité qu'on a de se centrer sur notre intelligence, de devenir notre seul maître, d'être autonome de l'opinion d'autrui. On peut aller chercher de l'énergie chez autrui, mais on ne se fait pas colorer notre opinion par la leur. Être son seul maître. Progressivement, ce que ça va donner, bien, ça va donner que tous les baromètres de votre évolution vont commencer à s'améliorer tout seul. Autrement dit, un individu cherche un emploi et elle n'en trouve pas. Si des choses se règlent chez elle, elle aura ce qu'elle a besoin. Et ça, je le vis depuis plusieurs années. Il y a des personnes qui travaillent avec moi qui le vivent aussi. Effectivement, ça va mal, changez quelque chose chez vous et ça va bien aller. Et certaines personnes peuvent évidemment se faire une science. Bon, alors, quand mon cœur accélère, quand je suis en amour, ça peut vouloir dire, laissez faire ce que ça veut dire. Parce que là, vous allez perdre énormément de temps et d'énergie à un décodage qui, finalement, va faire de vous un scientifique, mais pas nécessairement une personne heureuse. Vous pourrez l'enseigner et les autres, ils vont pouvoir l'appliquer. Mais vous, là-dedans, bon. On a toujours deux possibilités. C'est évident que si vous l'apprenez en parlant, ce que je fais souvent, moi, j'apprends beaucoup de choses en parlant, ça va. Si vous en reparlez régulièrement, donc si à un moment donné vous l'enseignez, c'est dangereux que vous ne l'appliquiez pas ou pas suffisamment. Alors, qu'est-ce que l'on fait? La personne doit commencer par se rendre compte qu'effectivement, à chaque fois qu'elle vit cela ici, c'est pas elle, donc elle est manipulée. Et c'est une base fondamentale de l'évolution vers une qualité de vie qui va être extraordinairement plus belle que celle que l'on connaît. Décoder au minimum que c'est pas nous qui tirons les cordes. Ça sert à quoi? Ça sert qu'une grande partie de l'énergie que vous placez pour diriger, vous allez la placer uniquement pour vous conscientiser, en continuant à tolérer que vous soyez le jouet de la vie. Et à un moment donné, vous aurez suffisamment d'énergie que c'est votre conscience qui va commencer à prendre le contrôle du système endocrinien. Vous n'aurez pas de liberté, de libre-arbitre face à la vie, mais vous allez avoir une liberté maintenant face à votre corps physique. Ça ne chialera plus chez vous. Ça ne criera plus chez vous. Ça n'aura plus peur chez vous. Ça ne beuglera plus, ça ne sera plus jaloux. Il y a un paquet de problèmes, de phénomènes du genre qui vont totalement disparaître. Quand vous allez coucher le corps physique pour qu'il dorme, il va dormir. Mais on ne doit pas viser les symptômes secondaires de l'évolution. Tout ce que l'on doit faire, c'est comprendre les mécaniques. Autrement dit, la meilleure façon d'avancer dans la vie, ce n'est pas de viser un objectif d'amélioration particulier. Non, c'est de viser uniquement à voir au-delà du mensonge cosmique. Simple. Voir clair. Mais ça mène à quoi voir clair? Justement, vous ne voyez pas clair, vous ne le savez pas. On ne peut pas vous le dire non plus, vous ne le comprendriez pas. Plus un individu voit clair, plus vous voyez clair, plus ça devient intéressant. En même temps, il y a une souffrance, oui. Pourquoi? Tout ce qui est traditionnel, bâti dans la vision obscure, devra changer. Ça fait mal. Plus on voit clair, mieux c'est. Par exemple, maintenant qu'on découvre que le sucre donne des caries, ah ben, c'est merde! J'aime ça le sucre, moi! C'est ça la souffrance de la conscience. Oui, mais à un moment donné, tu vas continuer à aimer le sucre, t'auras plus de dents. T'auras un paquet de maladies physiques. Puis ton espérance de vie sera de 35 ans. Tu pourras plus mordre dans la vie. Ah non, même pas. D'ailleurs, ceux qui mangent sur le sucre ont beaucoup de problèmes, parce qu'il faut que j'aille chez le dentiste, puis ils peuvent pas serrer les dents. C'est ça. Fait que... On doit simplement faire ça. Comprendre. Comprends. La personne, si elle comprend de plus en plus, elle se sert de ces mécaniques-là comme baromètre de son évolution. Maudit que je suis faible! Non, changer de disque. C'est vrai qu'on est manipulé. La culpabilité va disparaître rapidement. C'est quand même pas de votre faute. Mais même si ce n'est pas de notre faute, on est dans le même corps physique que celui chez qui c'est la faute. Alors, progressivement, on commence à contrôler. Comme tout à l'heure, je vous disais, vous engueulez avec quelqu'un, c'est vos égos. C'est pas vous. Je sais que c'est pas vous. Mais vous êtes pogné là-dedans pendant ce temps-là. Exactement comme si je vous invite chez moi puis je m'engueule pendant 2 heures avec ma femme. Ah, c'est pas vous. Elle va aimer ça. Non, mais c'est pas vous. Mais c'est un peu la même chose. À un moment donné, on vit dans une vie pendant que nos égos s'engueulent. Torieux, c'est pas ça qu'on veut. On n'a pas de libre-arbitre en ce sens que les égaux, ils se font charrier par n'importe quel événement. T'as encore mis ton chandail à l'envers? Oh, c'est suffisant pour qu'on parte. T'as vu, il pleut encore. Ah, oh, tu chioles bien. Ben oui, fais essayer, mais si. Le premier des deux qui dit qu'il pleut puis que c'est du mauvais temps, l'autre chiole après philosophiquement que le mauvais temps n'existe pas. N'importe lequel qui commence, l'autre, il va s'en profiter de la philosophie d'évolution pour l'engueuler. On doit faire attention, les égaux sont manipulés. Et c'est l'ego qui dirige le corps physique, en majorité, qui le rend malade, qui le fait courir, qui vous fait vous lever le matin pour aller chercher un paquet de cigarettes, qui vous fait aller chercher un cornet de crème glacée, qui vous fait chioler parce que Dairy Queen est fermé. Tout ça au complet. On doit faire attention. Et si on s'en sert comme baromètre, tout ça va se régler très facilement. Mais une solution clé et rapide, c'est restructurer notre ego, la suggestion, l'hypnose, l'auto-hypnose, du moins se parler. Mais servez-vous-en comme baromètre. Défaites pas tous les baromètres. Exactement comme si vous avez une douleur quelque part, on vous donne un anesthésique. C'est réglé. Mais ça, la maladie est toujours là, hein, mais on le sait plus. La douleur sert de baromètre. Ça nous donne une idée. On peut vérifier quelque chose, travailler sur la chose réelle. Toutes ces petites choses-là ici, c'est un baromètre de l'évolution. Il faut s'en servir. Que doit-on faire pour attirer dans notre vie un être avec lequel vivre l'amour intelligent? C'est extrêmement simple. Un être capable de vivre d'amour intelligent est un être qui déjà est intelligent. Et un être intelligent ne sera jamais attiré par quelqu'un qui n'exprime pas d'intelligence. Donc, exprimer d'intelligence. Et nécessairement, tout va se placer. Mais il y a pire que ça. Je dis pire pour l'ego, parce que l'ego, il y a mieux que ça. L'être humain capable... On va voir un peu la semaine prochaine comment on ramasse de l'énergie. Mais l'être humain capable de créer des synergies, de ramasser de l'énergie, d'attirer vers lui de l'énergie, de se nourrir, de s'alimenter, nécessairement vivra de l'amour intelligent. On a fait au début du mois des conférences sur l'intelligence qui a du cœur, sur l'amour intelligent. L'amour intelligent, c'est un amour qui n'est pas conditionnel. Donc, jamais ça sera « je t'aime si je t'aime plus parce que je t'aime à la condition que... » Un amour qui n'est pas conditionnel est un amour qui conserve le respect. Je me suis inquiété parce que ça fait 2 heures que j'attends que tu rentres. Mais ça me regarde que je me sois inquiété. En réalité, je pourrais dire mon ego a été manipulé par le fait que tu as 2 heures de retard. Mais est-ce que je peux sauter sur l'ego de l'autre uniquement parce que le mien? L'amour intelligent va simplement faire en sorte que j'ai un ego. Je me suis inquiété. Ça aurait été drôlement intéressant si tu aurais pu me téléphoner. La personne me dit, ah ben oui, mais je n'ai pas le temps. Ben, correct. On ne doit pas transposer sur quiconque les problèmes que notre ego nous fait vivre. Et progressivement, non seulement on va vivre un amour intelligent, parce qu'on laisse l'autre libre d'être ce qu'il est. Tu décides d'avoir les cheveux mauves, ça me regarde foutrement pas. Ah oui, mais t'es ma femme, t'es mon mari. On ne peut pas se posséder dans l'amour intelligent. Comme oh, c'est mon fils, c'est ma fille, puis il n'est pas question que tant qu'elle va rester ici. Ça n'a rien à voir. On peut être heureux même avec les cheveux mauves. Bon. Il y en a qui ont bien les cheveux blancs. Il y en a qui en ont presque pas. Ah, c'est évident. Il y en a qui ont les cheveux noirs, avec du gris. Bon. C'est pas la quantité de cheveux. Oh non, surtout pas. Madame. Mais on doit bien faire attention pour comprendre l'idée. On ne rencontrera pas la perfection tant que nous, on ne le sera pas parfait. Puis qu'est-ce que c'est la perfection? C'est être au maximum de ses capacités. C'est la perfection. Autrement dit, si on prend une lada pour tirer un chien, c'est la perfection. Si on prend une lada pour tirer un barrage de guerriers, c'est plus bon. L'idée est simplement d'être ajusté à ce qu'on a besoin. Alors, l'être humain est totalement parfait déjà. Parfait en fonction de ce qu'il peut faire. Si notre conscience voit d'autres choses, on doit travailler pour parvenir à cette expression-là. Comment doit-on faire pour attirer dans notre vie un être avec lequel vivre l'amour intelligent? On doit, nous, être capable de le vivre. Et comment on peut faire pour le vivre? Ça va en partant dire qu'on est capable d'aimer n'importe qui de la même façon, ni plus, ni moins. Il y a une chose sur la planète que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Si vous aimez, vous aimez tout. Et la personne va dire, oui, mais on ne peut pas aimer également tout. On aime également tout. Mais on ne sera pas nourri également partout. Donc, on ne sera pas attiré également partout, ni par tous les êtres humains. Mais souvent, on en parlait un peu dans d'autres conférences. Oui, mais si, j'aime toutes les femmes ou j'aime tous les hommes. Disons que ma femme, ça y arrive, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, elle peut me sacrer là et s'en aller ailleurs. C'est vrai. Et c'est ce qui est dangereux dans l'amour habituel, où on peut perdre beaucoup d'énergie, c'est qu'inconsciemment, on va s'arranger pour que l'autre ait toujours besoin de nous. Pour qu'il dépende. Alors, je vais vous amener le petit déjeuner au lit pendant quelque temps. Là, pour ça, si vous en êtes avec un autre, il ne fait pas ça. Là. Bon. Et puis, des petites choses comme ça, on se fait des petites... bon. Et c'est dangereux parce que quand on se dit, oui, mais là, si ma femme a foutrement plus besoin de moi, moi, j'ai besoin d'elle, moi. Je suis pogné en tabarouette, elle peut s'en aller n'importe quand. Ça, c'est parce que moi, si je pense comme cela, c'est que je vois l'amour intelligent à partir d'une vision d'amour conditionnel. S'il n'y a plus de raison pour qu'elle reste, elle ne restera pas. Ça, c'est de ne pas connaître l'amour. Vous pouvez avoir aucune raison pour aimer vos enfants, mais il ne faut les mettre pas dehors pour autant. Puis vous allez continuer à vous nourrir énergétiquement d'eux. On va surtout voir comment on fait la semaine prochaine, on se nourrit d'énergie de l'autre. On va continuer à s'alimenter, on va continuer à être bien, on va continuer à être correct, mais, c'est ce qui est arrivé quand certaines femmes ont commencé à se prendre un peu plus en main, mais le bonhomme, il fallait qu'il arrête de faire certaines choses. Vous aurez peut-être plus besoin de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous aurez besoin qu'il ne soit plus là. Par contre, quand il ne vous respecte pas, ça ne pourra plus tenir, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour rencontrer un être humain qui vit d'amour intelligent, il faut que nous, on le soit en premier. Puis quand on l'est, on ne recherche même pas l'autre. On est bien. Et probablement qu'en pas grand temps, on va être deux. Mais on ne recherchera pas l'autre. Si vous recherchez l'autre, c'est qu'il vous manque quelque chose. Si vous manque quelque chose, allez conditionner l'autre à vous le donner. Encore l'amour conditionnel. Et je ne dis pas que c'est grave. Tant qu'on le vit, on le vit. L'important, c'est qu'on se rende compte que crime, c'est vrai. Puis on pourrait faire mieux. Bien, pour l'instant, je fais ça, mais j'aime pas ça. Là, je commence à me penser qu'on peut faire mieux que ça. Puis à un moment donné, progressivement, vous allez faire drôlement mieux, vous allez être drôlement mieux aussi. Un enfant d'une mère juive est-elle avantagée à se conscientiser à 10 ans ou est-ce problématique? Explique. Mon enfant d'une mère juive est-elle avantagée à se conscientiser? Non, il n'y a pas. Vous savez, faire bien attention. Le peuple juif est un peuple génétiquement très puissant. Le peuple noir est un peuple génétiquement très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on mélange un blanc avec un noir, l'enfant qui venait au monde a beaucoup plus de caractéristiques génétiques du noir que du blanc. Mais dans l'évolution, la limitation corporelle est évidente. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui, avec les corps physiques qu'ils ont présentement, ne peuvent pas atteindre certains niveaux de conscience. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Bon, l'être humain est limité par sa génétique, c'est un fait. Par contre, tout au long de sa vie, il mute sa génétique. On appelle cela de la cellularisation. Il codifie, ADNiquement parlant, son évolution. Et l'exemple que l'on comprend très facilement, c'est que si l'on passe sa vie à pratiquer de la méditation transcendantale pour avoir la paix, la journée qu'on cesse d'en pratiquer, la paix s'en va, c'est qu'on n'a rien cellularisé. La paix appartenait à la méditation. Donc, on était l'esclave de la technique. Si on pratique ça pendant 10 ans, qu'on cesse de la pratiquer, puis qu'on garde le phénomène, on l'a digéré, le phénomène. Alors, on n'a plus besoin de la méditation parce qu'elle a maintenant accompli ce qu'elle avait à faire. Que ce soit pour le yoga, que ce soit pour n'importe quoi. Dans la vie, c'est la même chose. Le fait de naître d'une mère juive, est-ce que ça nuit à la conscientisation? Albert Einstein était juif. C'est un des plus grands conscientisés des derniers temps. Avec une conscience prémentale, une conscience instantanée absolument évidente. À un point tel qu'il a amené plein de théories absolument farfelues, qu'il a perdu une grande partie de sa vie, ce que moi je ne fais pas, à travailler pour prouver mathématiquement aux gens ce qu'il disait, alors que lui, il n'en avait pas besoin. Lui, il ne travaillait pas mathématiquement, puis il disait « Oh, wow! » Non. Il observait les choses et subitement, instantanément, sur le tas, il savait quelque chose. Et là, il travaillait pour le prouver. E égale MC2, ben, il l'avait mis en formule uniquement parce que c'était esthétique. Bon. Et puis, quand il a découvert que la lumière était courbée au voisinage des masses, eh bien, c'était évident selon la théorie de la relativité. C'est quoi la relativité? C'est que tout se peut, tout est faux. Même ça. Bon. Alors, tout est relatif, même la relativité. Qui devient donc totalement réel. Et c'est vrai. Tout le monde a toujours raison, tout le monde a toujours tort. Puis c'est vrai. Même celui qui le dit. Et... À un moment donné, on lui demande, etc., etc. Fait qu'il dit, dans quelques années, il y a une éclipse totale du soleil, vous allez pouvoir observer, vous allez voir, j'ai raison. Le bonhomme, il sait, il leur explique comment fouiller, mais il le sait avant de fouiller. C'est que de la théorie, ce n'est pas de la théorie. C'est un savoir instantané et ça se développe progressivement. C'est un juif. Et on a eu plusieurs juifs absolument génial. Ce n'est pas un problème au niveau de la conscientisation. Qu'est-ce qui est le problème de la conscientisation? C'est l'obédience à une tradition. Plus on est traditionnaliste, plus on est relié à des traditions, plus c'est compliqué d'aller chercher des choses neuves. C'est évident. Donc, un juif, par exemple, qui est totalement dans la religion juive, va aller chercher une forme d'énergie, il reste relié à son égrégore juif, et nécessairement, il n'aura pas la même qualité de conscientisation qu'un individu qui est finalement suffisamment autonome. Alors, lui, pourra passer par-dessus le racisme, ce que le juif aura de la difficulté à faire, ce que le chrétien a de la difficulté à faire. Hein? À la radio, à un moment donné, interview par un personnage extrêmement catholique et pratiquant. Lui, il prônait l'amour entre les peuples, entre les races, entre les religions. Tu sais, les juifs, c'est du bon monde quand même. Quand même. C'est ça le problème. Puis les juifs diront la même chose. Il y a un gros problème. Et quand je lui en parle, non, c'est du monde correct. Tu sais, c'est du monde, faut quand même les respecter. Oui, c'est ça, on est toujours en haut, nous autres, hein. Et le juif, bon, alors, c'est lui qui est libéré de la tradition, il est libéré de ces problèmes-là. Avant, quand je vivais une relation sexuelle, je me sentais drainé. Maintenant, quand j'ai un orgasme, j'utilise cette énergie, c'est-à-dire je la laisse monter en moi. Est-ce qu'à ce moment-là, la sexualité peut servir ou c'est encore de l'utopie? Bon, je sais pas si l'ego veut le savoir. Si l'ego aime ça, c'est mieux que ce soit serviable. Ce que vous devez comprendre, c'est que le tantrisme, en l'occurrence, l'évolution énergétique des énergies yin et yang et hominales, celles qu'on sert en acupuncture, ont aidé à créer des races humaines. La race aryenne, la race indo-européenne, la première sous-race de la race mère, la race aryenne, l'Inde entre autres, a engendré le tantrisme. Elle a réussi à créer des mécaniques, le yoga entre autres, dont le yoga tantrique et différentes mécaniques de respiration qui sont reliées à différentes formes de yoga, pour obliger une cellularisation particulière de l'évolution, de façon à ce que ça soit transmis génétiquement chez les enfants, et de façon à ce qu'on puisse, à un moment donné, avoir accès à une nouvelle forme de race, à des nouveaux corps physiques, celles des enfants, des enfants, des enfants, qui seraient plus subtiles. Alors, on a eu cette race, on a eu la race iranienne, on a eu la race teutonique, on a eu un paquet de races. Nous, on est descendants de la race teutonique anglo-saxonne, qui est la cinquième sous-race de cette race mère. La majorité, vous êtes déjà dans la sixième et la septième sous-race de la race mère. Et les caractéristiques sont simples. La sixième sous-race, c'est que vous avez la capacité de voir des choses d'une façon écologique. La septième sous-race, c'est ceux qui sont capables d'appliquer leur écologie à transformer des choses dans leur vie. Et on est en train de pénétrer dans la sixième race mère. Quand on parle de l'énergie sexuelle, comme le yoga ou comme la majorité des techniques du passé, tout ce qu'elles avaient à amener à l'humain, vous l'avez eu à la naissance. Ces techniques ont transformé l'humain dans le passé et nous en sommes les descendants, tant mieux. Nous sommes beaucoup plus subtils et raffinés que la race indo-européenne du départ, de là quelques milliers d'années. Nous sommes beaucoup plus solides, beaucoup plus puissants du point de vue de la conscience, du point de vue de la légifération, de l'intelligentiation que n'importe quel de nos ancêtres, quelle que soit l'histoire. Nous sommes les descendants et nous avons reçu ce qu'eux ont fait dans le passé. De ce fait, toutes les techniques du passé sont là pour occuper l'ego. Certains disent « Oui, mais ça a fonctionné. » C'est vrai, vous en êtes la preuve, mais ça ne peut pas vous amener ailleurs. Le yoga, comme le tantrisme, comme différentes vieilles techniques, peuvent vous rajeunir. C'est-à-dire que ça peut vous redonner ce que, en tant qu'enfant, vous avez eu. Vous avez perdu en tant qu'adulte. Mais on ne peut pas pratiquer ça trop longtemps. On doit rapidement aller chercher des techniques neuves. Des structures qui ne proviennent pas du passé et qui sont maintenant adaptées à ce que nous sommes pour aller vers quelque chose qu'on conscientise, des techniques neuves, pour l'homme, pour l'être nouveau. La personne ici, effectivement, elle peut faire circuler de l'énergie dans son corps physique, mais il y a des techniques qui sont mauditement plus puissantes, qui vont donner des résultats drôlement plus intéressants qu'une relation sexuelle. Mais si elle est prise à faire une relation sexuelle, autant est nécessairement qu'elle canalise son énergie. Au minimum, elle va conscientiser qu'il y a de l'énergie. Que penser de la renaissance du rebirth comme moyen de se libérer de l'emprise des émotions dans notre vie? Bon, la palingénésie. Le rebirth, c'est une technique d'hyperventilation. En s'hyperventilant, on donne énormément d'oxygène au cerveau. L'oxygène, c'est un comburant. Ce n'est pas un carburant, c'est-à-dire que l'oxygène, ça ne brûle pas. L'hydrogène est le carburant physique et il a besoin de l'oxygène comme comburant en présence. La problématique de l'oxygène, c'est que c'est un oxydant. c'est un oxydant, cela veut dire que ça rouille les choses. Rouiller les choses, ça veut simplement dire que progressivement, ça altère, ça détruit et ça élimine de l'énergie à certaines substances. Les cellules vieillissent à un moment donné parce qu'elles se font ramasser par des molécules, par des phénomènes atomiques d'oxygène. Alors, il y a des mécaniques maintenant alimentaires qu'on peut faire, qu'on peut prendre, faire attention pour éliminer ça. Quand on s'hyperventile, on arrive à oxygéner tellement le cerveau que celui-ci devient de moins en moins opérationnel. Étant moins opérationnel, une grande partie de ce que nous connaissons comme psychologie, une grande partie de l'âme, de l'ego, a de la difficulté à s'exprimer. Ayant de la difficulté à s'exprimer, puis le cerveau arrive mal à décoder ce que l'œil voit, ce que l'œil pourrait percevoir, ce que l'oreille entend, etc., progressivement, le corps physique se dissocie de l'âme, l'âme étant dissociée, immédiatement, l'âme commence à faire ce que j'appelle, moi, un voyage dans le canal réincarnationnel, c'est-à-dire que la personne fait une espèce de voyage astral. Et si elle a une personne pour la guider, la personne pourra diriger, sans trop diriger, mais quand même juste se fier aux commentaires que la personne donne pour la faire promener dans son canal réincarnationnel. Et elle a, par cette façon, la capacité d'aller fouiller dans le passé, son passé comme dans le passé, même de plusieurs vies en arrière. Pour se libérer de l'emprise de nos émotions, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez peut-être changer des parties d'ego que vous aimez moins par d'autres parties. Une personne qui fait de l'exorcisme peut faire la même chose. Un psychiatre, un psychologue, un hypnotiseur peut faire la même chose. C'est utile. C'est utile. Si on fonctionne, encore une fois, en termes de thérapie, c'est extrêmement bon, le rebirth. Si on veut fonctionner en termes d'évolution, ça vient éliminer des possibilités que nous, on pourrait avoir de travailler pour comprendre les mécaniques de l'astral, les mécaniques de notre âme, les mécaniques qui sont chez nous. Alors, par exemple, la personne qui aurait un problème majeur, mieux vaut qu'elle fasse une thérapie puis qu'elle l'élimine. Mais toutes les petites choses de notre vie, il y en aura toujours régulièrement. On va les éliminer à un moment donné, ça va recommencer à tomber dessus. C'est comme si on dépollue le gazon. Bien, quand il va pleuvoir, il va avoir encore automatiquement des pluies acides dessus. Mieux vaut régler le problème des pluies acides. Et pour la meilleure chose, c'est de s'arranger, nous, pour devenir le maître contrôleur de notre vie. C'est extrêmement bien pour faire pour certaines choses quand on parle de thérapie. Mais on n'est pas un malade global. On est peut-être un peu désharmonisé, mais on n'est pas malade à vouloir tout guérir. Alors, donc, effectivement, le rebirth a certains effets intéressants. Pour connaître ses vies antérieures, non, à cause de la mécanique des réincarnations pluralitaires, tout ce qu'on fait, c'est qu'on joue dans l'illusion. Je sens que je suis dans une phase où la conscience a besoin de s'exprimer et ne tolère plus certaines choses qu'elle tolérait. Tout ça se fait naturellement sans que je sécrète. Par contre, ça dérange les gens autour. La conscience ne peut plus revenir en arrière et s'écraser devant les choses inécologiques ou inesthétiques. L'ego se demande jusqu'où ça va aller. Est-ce dangereux? Que l'ego se le demande? Bon, où ça va aller? Vous allez peut-être faire une pause à un moment donné. Peut-être pas. Plusieurs en font des pauses. Ils redeviennent un petit peu comme ils étaient. Là, ben après ça, ils repartent. Ça va aller très loin, ça va aller à un point tel que vous allez instruire votre ego, que votre ego va commencer à vivre un peu plus le paradis qu'il recherche, mais il a extrêmement peur de perdre le contrôle. Il va perdre le contrôle, mais il va être beaucoup mieux que quand il pensait contrôler, parce que présentement, il pense contrôler, puis il contrôle absolument rien. Les individus autour, ça les perturbe pour des raisons mécaniques astrales. Tout à l'heure, on a parlé un peu qu'effectivement, émotivement, on nourrissait des choses. Vous commencez à être un peu mieux. On va tout faire pour s'arranger pour que vous ne soyez pas trop, trop bien. Vous êtes suffisamment puissant maintenant dans votre conscience que vous êtes de mieux en mieux. Eh bien, on va ramasser les individus qui vous entourent pour s'arranger pour qu'eux autres aillent vous faire charrier, pour qu'eux autres puissent vous promener. Plus vous allez être en amour conditionnel avec ces individus-là, plus vous allez avoir peur de perdre leur affection, etc., plus on va les massacrer, les charrier pour qu'on vous ramasse. Ça peut être votre emploi, ça peut être dans votre famille. Une personne qui ne connaît pas suffisamment les mécaniques, souvent perd son emploi, perd son argent, perd ses amis, perd sa famille, perd tout. On appelle ça un MTS, un martyr de la transition supramentale. Maintenant, les individus ne perdent pas nécessairement tout. C'est pas en venant à mes conférences qu'on perd cela. On se conscientise subitement. Hein? On se rend compte que, puis on est fait jusqu'aux atomes quand on commence à se conscientiser. Par contre, on doit apprendre à s'ajuster. Mais l'ajustement, c'est quelque chose qui est long à enseigner. Pourquoi? Parce que l'être humain doit discerner entre s'ajuster et se putainer. Parce qu'à un moment donné, tu ne vis plus ce que tu es, tu ne peux pas vivre ce que tu es parce que ça fait peur aux autres. Puis le moindre moment que tu le vis, ben là, tout le monde est sur ton dos, puis là, tu n'es pas plus heureux. Bon, c'est comme d'aller voir les anciens religieux au 15e siècle pour leur dire que la Terre est ronde. Ben, vous allez avoir raison. En prison, mais ils allez avoir raison. Alors, à un moment donné, ça ne se fait pas. Sinon, vous avez toujours tort, vous ne pouvez rien exprimer de ce que vous êtes, mais vous êtes libre. Libre, libre dehors, mais vous n'êtes pas plus libre. Alors, il y a toute une panoplie de choses qui va se passer, mais vous devez comprendre une chose qui est importante au départ. Il y a des lois qui manipulent l'être humain. Il y a des lois de l'homme ancien, de la femme ancienne, de l'enfant ancien, les lois inhérentes à l'ère du poisson. Dans ces lois-là, il y a une façon d'être heureux, il y a une façon d'être malheureux, il y a une façon de fuir, une façon d'avoir peur, une façon de faire de l'argent, une façon de la perdre, etc. Il y a des lois de l'homme nouveau, des lois neuves. Entre les deux, l'humain perd à peu près tout ce qu'il avait. Il n'est plus assujetti aux lois anciennes dans la rétribution, ni aux lois nouvelles. Et entre les deux, ben, il est refusé par l'ère nouvelle, puis il est rejeté par l'ère ancienne. Et il est juste simplement pire qu'il était avant, malgré qu'il voit plus qu'avant. L'être humain doit comprendre que quand on commence à se conscientiser, il y a une grande partie de la vie qui va changer. On ne doit pas forcer le changement, mais on doit s'attendre, on doit savoir qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas de toute façon, il y a une grande partie de notre vie qui va changer. Vous êtes dans telle situation, vous commencez à voir des choses et la situation va changer. Tout à l'heure, on l'a vu, si on évolue, les choses vont bouger vers le mieux. Mais vers le mieux, ça veut peut-être dire que certains de vos amis, vous allez les perdre à jamais. Ce n'étaient pas des amis. Enfin, c'était des amis à l'époque. Ils ne peuvent plus être vos amis. Et vous ne pouvez pas non plus les manipuler à vouloir évoluer. Ce n'est pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir intelligent. Il le fera quand ce sera le temps. Ça, c'est tout seul. Alors, on a beau lui dire n'importe quoi, lui vanter les mérites de n'importe quel monde, il va embarquer émotivement, il va être frustré dans 2 ans parce qu'il n'y aura pas les résultats que vous lui avez promis. Bref, on aura de gros problèmes. Ça se fait comme ça. Alors, à un moment donné, oui, mais là, je vais perdre mon emploi. Ben oui, ben c'est ça, la vie change. Oui, mais c'est épeurant. Ça, c'est encore une fois pour t'anégoïser. C'est pas épeurant, de toute façon, tu contrôles rien. Bon, on continue, on continue, on continue. Tous les problèmes que vous avez eus dans le passé sont à la majorité réglés aujourd'hui. On a eu peur pour rien le passé, ça serait de toute façon. Alors, il y aura des choses qui devront changer. Il y aura peut-être, il y a des couples qui se sont séparés. Il y a des enfants qui vont partir plus de bonheur. Il y a des enfants qui vont revenir. Il y en a qui vont perdre leur emploi. Mais ce n'est pas pour votre mal, c'est pour votre bien. Quoique ça ne paraît pas nécessairement du point de vue de l'ego. Parce que c'est exactement comme si on vous dit, il y a la guerre en Espagne, quittez l'Espagne. Puis venez-vous en Amérique, il y a la paix. Mais là, lâchez votre vieille maison, puis lâchez vos amis, puis votre terre, puis votre troupeau de vaches, puis tout ça au complet, c'est votre vie. Oui, mais on bombarde, on tue du monde, oui, mais ça va être mieux en Amérique. C'est bien difficile à croire. Parce que vous devez arracher une peau pour vous en aller. Mais venez, puis vous allez voir à un moment donné que c'est drôlement peu intéressant. Bien, c'est un peu la même chose au niveau de la nouvelle. On doit passer, pour ça, il faut arracher des morceaux. Les morceaux, ils vont s'arracher tout seuls. Vous ne pouvez pas amener vos problèmes avec vous dans votre conscientisation. Ils vont rester là. Avec tout ce que les problèmes ont attiré autour de vous. De la matière comme les individus. Et ça, faut se préparer à ça. Pourquoi la séparation est-elle toujours un drame? Au point qu'on aime mieux, comme vous dites, s'engueuler pendant 2 ans de plus, même si on est allé chercher chez l'autre ce qu'on avait besoin, ce qu'on avait à aller chercher. Peut-on laisser l'autre sans raison, juste parce que c'est la chose à faire? Bien, c'est une bonne raison. Comment savoir si c'est le temps? C'est effectivement un problème souvent, c'est que parce qu'on n'est pas suffisamment régi par notre intelligence, on est plus régi par notre ego, on va être capable de laisser quelqu'un quand on va le détester suffisamment. Alors que si on n'a rien qu'une raison intelligente, ben là, écoute, ça va plus, là, on se sépare. On va dire, voyons, non, hey, tu sais, hey, à vous parler comme vous parlez là, c'est évident qu'il y a quelque chose à faire. Il faudrait qu'on s'engueule, qu'on s'obstine, qu'on se lance la vaisselle incassable, puis tout ça au complet, pour là qu'on puisse se dire, ben là, écoute, là, c'est vrai, il n'y a plus rien à faire, allez, séparez-vous. Non. On doit simplement. Pourquoi les personnes vont s'engueuler? C'est parce que leur ego ne pourra pas accepter une séparation s'il ne souffre pas suffisamment de l'union. Et ça, c'est une perte d'énergie incommensurable. Ce que l'on doit faire, premièrement, c'est que si on a à se séparer, pourquoi ça déchire? Je l'ai expliqué souvent au niveau de la mécanique de l'ego. Ça fait 5 ans qu'une partie de vous s'est nourrie, donc a été construite à même la présence de l'autre. Alors maintenant, vous voulez vous séparer, cette partie-là va mourir. Elle souffre, elle ne veut pas mourir. Et c'est elle qui va vous garder là. Pourquoi on doit devenir un peu plus son maître contrôleur, le maître contrôleur de sa vie et de son corps physique, pour à un moment donné prendre son corps et bouger. Bon, le prendre et s'en aller. Il y a une partie de l'ego qui va souffrir si vous parlez, si vous ne le laissez pas penser. C'est une chose qui se développe à un moment donné. Ben nécessairement, vous allez être capable de régir votre vie drôlement plus facilement. Ça va être mieux pour les deux parties sans problème. Et plusieurs personnes que je connais qui ont été obligées de se séparer, qu'ils l'ont fait radicalement, pas en s'engueulant. Ils sont maintenant de très bons amis. Ils sont pas retournés ensemble. De temps en temps, il y a une petite partie nostalgique qui dit, hey, tu sais, on se sent, pourquoi qu'on... Non, non. Avant qu'on soit ensemble, on était bien. Maintenant qu'on peut être ensemble, on est bien. Écoute, on va continuer à être bien. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ils peuvent aller même, ils vont, j'en connais même qui prennent des vacances ensemble. Ils font même des cochonneries ensemble. Bon. Mais... La vaisselle? Oui, c'est des choses comme ça, puis... Laver le plancher. De ça, ouais. Ils n'ont pas trop de problèmes. Quand c'est fait par l'intelligence, ça va bien. Mais évidemment, hein, ça, c'est facile à dire. L'ego est là pour nous prouver qu'on n'est pas trop le maître. Je suis un ex-alcoolique et drogué. Je n'ai plus l'énergie côté travail que j'avais. Je me recherche un emploi et je ne sais plus où aller. As-tu une suggestion à mon problème? On va ramener quelques milliards de suggestions. Si je les compte toutes, on n'en sortira pas. Première chose à faire qui est extrêmement importante, c'est que le mot ex-alcoolique et ex-drogué devrait totalement disparaître. C'est-à-dire que, c'est évident, je ne suis pas psychologue. Je ne règle pas les petits problèmes comme ça. C'est surtout au niveau de l'envergure des choses. Mais il y a une partie de vie que votre conscience n'a pas vécue, mais vous avez été manipulé à vivre. Cette partie-là, elle ne vous appartient pas. Elle est quelque part chez vous en mémoire, mais ce n'est pas vous. Alors déjà, en partant, on doit cesser d'être un ex. Et on doit simplement être, bon, ben là, merde, je me cherche un emploi. Comprenez bien une chose, il y a énormément d'individus qui sont des ex-étudiants, OK? Ils sont aussi mal pris que vous. Et ils ne peuvent pas trouver d'emploi, ils n'ont pas d'énergie de trouver des emplois, puis il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est pas parce que vous êtes ex-alcoolique ou ex-drogué. C'est parce que vous êtes sur la Terre et que vous êtes un être humain. On parle encore de temps en temps des Indiens qui disent souvent « Oui, mais on a des problèmes d'alcoolique, on a des problèmes de cils, etc. On n'a pas d'emploi. » Et les Blancs ont les mêmes maudits problèmes. Hein? Mais les autres, ils vont se dire « C'est parce qu'on est Amérindien qu'on a ces problèmes-là. » Ça n'a rien à voir. Les Blancs ont les mêmes problèmes. Bon. Et il faut donc faire attention parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que vous acceptez inconditionnellement un archétype, un égrégore, une image, d'un personnage qui a eu une vie dure, une vie difficile. On n'a pas besoin d'avoir eu une vie difficile pour être heureux. On n'a pas besoin d'avoir eu une vie difficile pour évoluer, pour comprendre. On n'a pas besoin de ça. Et de temps en temps, on vit des choses particulières comme ça. C'est dans notre mémoire, c'est passé là. Maintenant, vous, aujourd'hui, là, vous n'êtes pas un ex-alcoolique ou un ex-drogué. Non, vous avez un problème, puis vous attribuez les problèmes de votre vie à votre passé. Alors que les problèmes de notre vie sont attribuables à la vie d'aujourd'hui. Alors, comment aller chercher du dynamisme? Faites-vous-en pas. Quand ça va être le temps, vous allez avoir un emploi. Mais une chose certaine, c'est que si vous avez encore des choses à bousiller et à travailler à l'intérieur de vous, ça va se faire. Si en même temps, parce que vous devez devenir un être qui se tient debout. Mais un être qui se tient debout, c'est pas de dire « Ah, moi, mon expérience de désintoxication m'a aidé. » Ça, c'est uniquement parce que vous ne pouvez pas supporter que vous êtes solide aujourd'hui. Alors, vous le faites supporter par l'expérience de désintoxication. Mais non! Mais non! Maintenant, je suis capable de parler aux drogués. C'est parce que j'ai plein d'expériences. Le temps que vous étiez drogué, vous avez acquis de l'expérience. Pourquoi vous avez acquis de l'expérience? Parce que vous étiez drogué? C'est faux. Parce que vous aviez suffisamment d'énergie pour comprendre des choses. Et puis, à un moment donné, ben, peut-être vous pouvez le communiquer. Peut-être vous ne pouvez pas le communiquer. Combien il y en a d'ex-drogués qui ne peuvent pas en parler de leur expérience? Alors, venez pas dire qu'il y en a, que quelqu'un arrive qui peut en parler et dit c'est à cause qu'il était un ex-drogué. Christy, il y a 35 millions d'ex-drogués sur la planète. Ils ne peuvent pas t'en parler. On se donne des raisons. Alors, premièrement, il faut changer totalement de philosophie, renaissez totalement, soyez totalement un autre. À partir de quelle racine? On n'a pas besoin de racines. On n'a pas besoin de racines. Oui, mais un arbre, il tombe. C'est ça. Puis un arbre avec des racines, il bouge pas. Hein? Il reste là longtemps, tabarnouche, jusqu'à temps qu'on en fasse un meuble. Pas besoin de racines. On n'a vraiment pas besoin de racines. Inventez-vous un passé. Très important. Inventez-vous-en un. Enlignez-le vers l'avenir que vous voulez. Puis à un moment donné, les choses vont se placer. Mais quand je dis se placer, c'est pas que vous allez avoir ce que votre ego veut. Tant que l'humain n'a pas compris certaines choses chez lui qui vont l'amener à un moment donné à avoir une vision plus globale, une espèce d'androgonie, une vision qui va être capable de lui expliquer, même si c'est de l'illusion, ce qu'il fout ici. Bon. Quand l'humain commence à avoir une idée de ce qu'il fait ici, même si c'est de l'illusion, au minimum, il commence à pouvoir structurer une vie et les choses autour commencent à se placer pour lui donner raison. Si l'humain a de la conscience, plus il sera intelligent, plus il va adapter son androgynie et plus les choses vont aussi s'adapter. Vous pourriez avoir un emploi, puis un collègue va encore vous offrir un joint, puis progressivement, vous n'avez pas d'emploi. C'est mieux. Il y a énormément de choses qu'on pense que c'est pour notre mal, mais c'est souvent pour le mieux. Hein? Rappelez-vous toujours du petit oiseau qui tombe dans un tas de marde de vache, là. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est assez facile. Je la résume très rapidement. Ça explique trop bien les choses. Cet oisillon qui, l'hiver, il tombe en bas de son nid, il tombe à terre plutôt. Puis il commence à geler dans la neige. Il est en train de mourir. Puis il y a une grosse vache qui passe par là. Elle arrive juste au-dessus de l'oiseau. Elle ne le voit pas du tout. Elle l'écrase presque. Elle écarte ses pattes. Elle lève la queue. Puis elle fait pouf sur l'oiseau. Et elle s'en va. Mais là, la chaleur de la bouse de vache, ça a réchauffé l'oiseau. Ça l'a maintenu en vie. Puis à un moment donné, il y a un loup qui passe par là. Hop, il voit ça. Fait qu'il ramasse l'oiseau, il secoue la crotte qui était prête, puis il le bouffe. La morale est simple, ceux qui vous mettent dans la marde ne le font pas toujours pour votre mal, ceux qui vous en sortent ne le font pas toujours pour votre bien. Bon, et dans la vie, c'est souvent vrai. On doit faire attention. C'est évident qu'on peut aller vers le mieux, mais il faut faire attention. Mais la personne ici, là, qu'elle cesse d'être un ex quoi que ce soit. Demain matin, qu'elle se lève, là, puis qu'elle dise pas « Bon, je suis! » Non, elle est elle. Elle est elle, puis qu'elle commence à faire de quoi? Bon, elle est elle, son ego veut pas aller se trouver un emploi. Quand il arrive devant une compagnie, ben l'ego veut pas rentrer. Achetez-vous une cravate. Pas parce que ça paraît mieux, parce que vous pouvez la prendre et vous rentrer en dedans. Bon. Il y a des... Puis après ça, vous dites « Oui, mais ça fait 2 semaines, j'ai essayé, ça marche pas. » Vous avez la preuve que vous êtes manipulé. Là, vous pouvez dire « Ouais, OK, mais ça m'arrange pas. » Mais oui, ça vous arrange. Parce que vous êtes en train de faire un pas décisif qui va faire que dans... quelques temps. Vous allez être le maître contrôleur chez vous. On va être réglé. Il faut cesser d'être un ex-oiseau puis devenir un nouveau tas de... Comment atteint-on la transparence, l'ajustement, la précision dans la parole? C'est extrêmement long à répondre présentement. Mais brièvement. Bon, écoutez-vous parler. Très simple, hein? Écoutez-vous parler, vous allez voir. À certains moments de la journée, je sens des présences autour de moi. Parfois, elles sont très fortes et cela m'effraie énormément. Prenez l'aspirateur et aspirez l'air autour, vous allez voir. Comment faire pour en finir? Un médium m'a déjà dit d'envoyer de la lumière blanche. Est-ce que ça aide vraiment? Un médium bien cuit. C'est ça, mais quand un médium, c'est... Si on a la capacité psychologique, imaginative, de créer un halo de lumière blanche autour de soi, puis de la projeter dans la maison, oui, ça fonctionne. Ça va fonctionner dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que ça fait partie des mécaniques de sorcellerie, c'est-à-dire que bien souvent, les entités hein, qui viennent dans nos maisons, les présences que l'on sent sont des mécaniques qui sont intimement reliées à des phénomènes de sorcellerie, donc de magie blanche ou noire, surtout de magie noire normalement. Faibles, des trucs perdus comme ça qui se promènent. Et c'est de la magie que de prendre l'imagination, qui est de l'énergie astrale. La pensée, c'est de l'énergie astrale. Et effectivement, ça a certains effets. Moi, ce que je n'aime pas dans cette mécanique, c'est que, premièrement, si l'entité est une mécanique beaucoup plus puissante, une mécanique capable de se servir de votre énergie vitale, elle ne s'ennuiera pas pour autant. Bon. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'on doit passer une partie de notre temps à appliquer des techniques pour que ça s'en aille. La parole, si on la développe, si on arrive à avoir une parole mentale, si on donne des ordres à ces phénomènes-là, ils vont s'en aller. Mais il y a toujours des petites choses faciles à faire, c'est qu'on vérifie dans la maison, parce que normalement, il y a des objets, des ondes de forme qui attirent ces phénomènes-là. Si on les jette, si on s'en débarrasse, non, ça règle absolument le problème totalement des entités. Il y a quelques conférences que j'ai faites là-dessus, vous pourrez fouiller sur la liste de cassettes, puis il y a des titres qui sont assez évidents. Ça pourrait vous expliquer pendant quelques heures là, différentes mécaniques ou différentes explications du pourquoi c'est là. Ce serait la meilleure chose à faire. Lorsque je tente d'exprimer par la parole une partie intelligente ou écologique de ma conscience, je cherche toujours les mots justes et précis. Bien souvent, j'ai l'air épais. Mais c'est évident! Ne cherchez pas les mots justes et précis. Dites-les. Parce que lorsque j'ouvre la bouche, je perds le fil. Comment expliquer? On doit parler. pour arriver à avoir une parole transparente, juste, etc., comme la personne le demande ici aussi, on doit parler. Et j'explique souvent en séminaire que lorsque l'individu commence à parler pour avoir une parole juste, pour avoir un contact, moi, il y a beaucoup de réponses que je donne que je ne connais pas avant de les dire. Bon, je n'ai pas un savoir inné, j'ai un savoir instantané, pas pareil. Je ne sais pas tout, je sais uniquement ce que j'ai besoin de savoir quand c'est nécessaire. Et quand on me pose des questions, bien, je réponds. Mais bon, je me casse pas la tête avant. Maintenant, l'individu, ce qu'il doit faire, il doit faire comme on fait quand on ouvre un robinet. C'est une grosse partie du problème. Il y a un séminaire que je donne de temps en temps à certains séminaristes, ceux qui ont fait le premier séminaire, et on a une expérience absolument évidente de l'ego, la problématique de l'ego. Un exercice très banal, pour répartir chez vous si vous voulez. Ça, c'est une lampe. Ça, c'est un mur. Ça, c'est un verre. Très simple. Alors, moi, je pointe la lampe, je pointe le mur, je pointe le verre, puis vous, vous dites lampe, mur, verre, lampe, verre, mur, lampe, verre. Facile. Et puis, tout ce qu'il y a, c'est que si je vous pose la question, est-ce que c'est bien grave, si à un moment donné, vous vous trompez. Je m'en vais vers le mur, mais j'arrête à la lampe, et vous dites mur. Pas grave, on s'en fout. Dans le jeu, on peut dire n'importe quoi en essayant de dire les choses justes. Ben, Kéten. Et là, on commence. Vers, lampe, mur, vers, lampe, mur, vers, lampe, mur. La personne bafouille, elle plante. On doit premièrement accepter de dire n'importe quoi. Sinon, on ne pourra pas parler. Et si on réfléchit avant de parler, on va dire de la pensée. On n'aura jamais de parole instantanée. Donc, on va filtrer avec notre tradition, notre mémoire, ce qu'on va dire avant. Ce qui nous empêche d'avoir accès à du neuf. On doit parler. Pour parler, on doit dire des sottises. C'est-à-dire que c'est exactement comme quand on ouvre l'eau chaude à la maison, c'est de l'eau froide qui sort. Bon, mais ben, si on ferme le robinet chaque fois qu'il y a de l'eau froide qui sort en se disant, ben, crime, ça marche pas, l'eau est pas chaude, mais attendre qu'elle soit chaude, vous aurez jamais d'eau chaude dans votre bain. On l'ouvre, l'eau est froide, c'est l'eau du tuyau. Eh oui. Ben, on a plein de mémoires, il y a plein de choses qui sont ramassées dedans. C'est le principe de la cornemuse. La cornemuse, on gonfle ça au complet, puis quand c'est gonflé, ben là, on peut jouer. Alors, à un moment donné, on respire plus, puis ça continue à jouer. Puis là, quand on approche de vider la popoche, on regonfle encore pour continuer à jouer. On peut jouer sans arrêt, puis ça part à pas. C'est un peu la même chose. Là, il faut vider la cornemuse. Il faut vider un paquet de choses. Alors, on commence à parler, puis c'est tout croche. Il faut pas s'arrêter. On pose la question dans le séminaire, par exemple. À quoi servent les moteurs, les cinq moteurs de la fusée Saturne 5? Parle! Ben oui, je sais pas! C'est ça, continue! Parle! Oh, mais c'est niaiseux! Là, tu remplis la cornemuse. La personne doit dire, oui, mais c'est totalement stupide. Et là, il y a un contrôle d'œil, il y a des petites choses qu'on rajoute au niveau des techniques. Je ne connais pas la réponse, c'est totalement stupide. Comment veux-tu que je le sache? Lâche pas, je continue à parler. Ça doit servir à la propulser. Tiens, ça a déjà bien d'allure, c'est déjà une bonne chose. Puis, lâche pas. Oui, mais je saurais pas tout. Non, non. Progressivement, tu vas finir par répondre à des choses. Est-ce que tu es capable de dire c'est quoi le numéro de loterie de demain matin? Votre intelligence se fout royalement du numéro de la loterie de demain matin. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez avoir une réponse extraordinairement ajustée à des choses qui vont vous servir dans votre vie. Alors la personne, elle va dire, oui, mais regarde, j'ai le savoir instantané, mais ça me donne pas tout ce que mon ego veut. Mais c'est sûr. Ça, c'est l'ajusteur de pensée qui commence à être opérationnel, qui vient ajuster votre parole. Et vous, maintenant, vous pouvez vous instruire vous-même en parlant aux autres. Et on s'écoute parler. Comme ça, on peut rectifier et corriger. Lorsque des entités nous disent qu'ils nous protègent, que protègent-ils? Premièrement, les entités qui disent qu'ils vous protègent, c'est un peu comme les extraterrestres hein, qui rencontrent toujours ceux qui sont pas trop... Les entités qui vous protègent... Pas trop quoi? C'est mieux de le dire parce que la personne va se demander qu'est-ce que tu veux dire. Ah ben, pas trop incapable de rencontrer les extraterrestres. OK. Voilà. Bon. Hein, c'est bien, hein, oui. Donc, les entités, qu'est-ce qu'ils font? C'est la mafia, comprenez? Alors, ils viennent vous voir et ils vous suggèrent une protection. Ils vous garantissent qu'ils ne vous casseront pas la gueule si vous payez 3 000 $ par mois. Et que si quelqu'un un jour vient mettre le feu à votre restaurant, il ne vivra pas longtemps. Alors, c'est une forme d'assurance absolument géniale, qui coûte extrêmement cher, mais qui est implacable. Les entités font un peu la même chose. Il y a beaucoup de médiums, à un moment donné, qui me posent certaines questions dans le genre « Moi, les personnes, les entités que je rencontre, elles sont bonnes, etc., etc., etc. » Et c'est toujours la même chose que je leur dis, c'est que demandez-leur qui elles sont, puis ne les croyez pas et dites-leur que vous ne les croyez pas, vous allez voir. Puis c'est pas long que l'entité devient laide, devient violente, devient... oui. Alors, les entités qui nous protègent, vous protègent uniquement en fonction du fait que vous devez, de temps en temps, leur donner de l'énergie. Vous leur donnerez de l'énergie en parlant de ces entités-là, en pensant ces entités-là, en priant ces entités-là, en demandant leur aide, etc., etc., etc. Alors, il y aura un échange d'énergie. Quand vous allez cesser, vous allez voir qu'elles vous protègent réellement. À un moment donné, vous allez tomber sur la glace, allez débouler l'escalier, vous allez avoir une maladie. Hey, c'est vrai qu'ils me protégeaient, je devrais peut-être retourner. Oui, c'est ça, ils vous cassent la gueule maintenant. Pour que vous reveniez. Alors, fiez-vous pas. Déjà que vous ne vous fiez pas à vous, puis c'est peut-être la seule chose fiable. Fiez-vous pas aux entités. J'ai l'impression que je devrais maintenant chercher un autre lieu d'habitation, éloigné, retiré et même sauvage. Si je regarde lucidement la situation financière, c'est illogique et non faisable. L'intelligence étant logique, dois-je conclure que c'est une manipulation astrale et erronée que je prends pour le sentiment d'une action à accomplir? Éloigné, retiré et même sauvage, il y a deux places pour déménager présentement. Sauf qu'il y a des barricades. Bon, mais c'est ça, t'es retiré. Oui. De toute façon, il peut même retirer après. Il peut se faire tirer aujourd'hui puis retirer demain. C'est ça, il n'y a pas de problème. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses que notre intelligence va décoder, va percevoir, va enligner. Ce n'est pas le temps, c'est le temps qu'on vous instruise. L'ego s'accapare immédiatement d'informations puis il se dit ouais, pourquoi je ne peux pas le faire tout de suite? Pas intelligent, c'est une manipulation astrale. Non, vous devez commencer par voir des choses. C'est comme la journée où vous apprenez que le soleil existe, bien, il n'y aura pas de soleil chez vous. Mais quand vous allez tomber nez à nez avec le soleil, vous paniquerez pas, vous allez comprendre ce que c'est. Alors, il y a énormément de choses qui commencent à être vues, à être perçues par notre conscience, et on ne peut pas, ça ne s'applique pas du jour au lendemain, là, mais ça nous prépare à. Vous allez voir que quand ça va commencer à bien aller, là, ça va terroriser une coupe. Alors, cette semaine, on a vu comment cesser de perdre l'énergie. La semaine prochaine, c'est comment accumuler de l'énergie. Oui, comment ramasser de l'énergie dans une relation qu'on appelle la relation d'amour. Dans une salle plus grande et climatisée. Eh bien, effectivement, c'est exceptionnel. Soir. Bonne semaine. Bonne semaine, puis amusez-vous.